بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On continue donc les frères la lecture de ce livre très important ou de ce chapitre très important du Sahih al-Bukhari, Kitab al-Irtisab, le chapitre lié à la fermeté sur le livre d'Allah tabaraka wa ta'ala ainsi que la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'auteur, l'imam al-Bukhari, rahimahullah, il dit « Babu ma ja'a fi jtihadi l'kudati bima anzal Allahu ta'ala li qawlihi wa man lam yahkum bima anzal Allah fa ulaika humu zalimun. » Le sous-chapitre faisant donc le sous-chapitre mentionnant les textes liés aux efforts des juges, les juges islamiques, les juges musulmans, lorsqu'ils vont juger, donner un jugement, en se basant sur ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala a fait descendre. Et ceci en s'appuyant sur sa parole, « Wa man lam yahkum bima anzal Allah fa ulaika humu dhalimun. » Et certes, ceux qui ne jugent pas par ce qu'Allah a fait descendre, alors ceux-là sont les injustes. Il dit l'imam al-Bukhari rahimahullah wa madaha an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam sahib al-hikma hina yaqdi biha wa yu'allimuha la yatakallafu min qiblihi wa mushawarati al-khulafa wa su'alihim ahl al-ilm. Et ensuite il dit l'imam al-Bukhari un point très important, il dit le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait l'éloge de sahib al-hikma, celui qui a de la hikma ici. La hikma, la sagesse et la science. Et qui va juger avec celle-ci. Lorsqu'il va donner un jugement, lorsqu'il y a un conflit, lorsqu'il y a un problème, il va juger en se basant sur cette science et cette sagesse. Et il va l'enseigner aux gens. Et il ne se base pas sur lui-même, sur ses opinions ou autres. Mais il se base sur le livre d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et aussi, excusez-moi, le fait que les khulafa, donc les califes bien guidés, ils ont demandé conseil. Ils ont fait donc al-mashura, la concertation. Et aussi le fait qu'ils aient demandé aux gens de science. Et donc si ces gens-là qui devaient juger, qui avait cette responsabilité, il demandait conseil aux gens de science. Il aussi demandait des recommandations. Que devons-nous faire, nous? Que devons-nous faire, nous? N'est-ce pas que nous devons demander avant de faire et avant d'émettre un jugement hâtif? Car certes, on comprend dans ce chapitre que la fermeté sur la sunna, la fermeté sur le livre d'Allah tabaraka wa ta'ala se fait lorsque nous allons nous baser sur les textes de la législation pour émettre des jugements. Et donc le premier hadith de ce sous-chapitre, l'auteur qui nous dit, qui nous cite la chaîne de transmission qui monte jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit « La hasada illa fithnatayn » رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق وآخر آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit il n'y a de jalousie que concernant deux éléments, deux choses. La jalousie, est-ce qu'elle est louable en islam? Elle est blâmable. D'accord? La jalousie, elle est interdite. Et certes, vous savez que la jalousie, certains savants, ils nous disent que la jalousie est liée au premier péché. Shaitan, qui a été jaloux de l'être humain. Avant de désobéir, il a été jaloux. Et la jalousie l'a fait désobéir. Et ensuite, on a ici-bas, on a aussi le meurtre, le premier meurtre qu'il y a eu sur terre. C'était de la jalousie. Et donc la jalousie est un acte très blâmable et très fortement interdit dans notre législation. Et ici, il faut savoir donc que le mot hasad, qu'on traduit par jalousie, il peut avoir deux sens. Il peut avoir le sens de la jalousie, mais aussi il peut avoir le sens de ce qu'on appelle el-ribta. Dans la langue arabe, c'est le fait de désirer, le désir. Quelle est la différence entre les deux? El-hasad. Et donc la jalousie, el-hasad, c'est le fait d'espérer la disparition d'un bienfait qui a été donné à quelqu'un d'autre. Tu vois que Allah tabaraka wa ta'ala, il a donné à un de tes frères une maison, un terrain, mashallah. Alors la personne, par jalousie, elle va espérer que l'autre n'ait plus ça. Je ne veux pas qu'il ait ça. Pourquoi? Ce n'est pas moi. Si moi je ne l'ai pas, alors lui non plus. Ça, c'est de la jalousie. Et cela s'oppose directement au décret d'Allah tabaraka wa ta'ala. Allah azza wa jalla qui nous dit yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir. Il va donc accorder pleinement de ses faveurs, de sa subsistance à qui il veut, et il va diminuer pour d'autres. C'est lui qui décide. Et donc cette personne qui est jalouse s'oppose au décret d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et la deuxième forme qui est le désir, el-ribta, c'est le fait que la personne, elle désire avoir la même chose que l'autre. Mais elle ne désire pas que l'autre perde son bien. Tu vois ton frère qui a un terrain, un beau terrain, mashallah, tu dis, mashallah, j'aurais vraiment aimé avoir le même. Mais ça ne veut pas dire que tu veux que ton frère perde le bien qu'il a eu. Et il n'y a pas de mal en cela. Et même ce désir, parfois il va être récompensé. Comme on va le voir ici. Car ici, en fait, ce que le prophète il nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas de meilleur désir que dans deux cas. Les meilleurs désirs que tu peux avoir quand tu désires quelque chose que quelqu'un a, la meilleure situation, c'est dans deux cas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous cite les deux cas, il nous dit le premier, un homme à qui Allah tabaraka wa ta'ala lui a accordé de l'argent. Et que cet argent a été dépensé jusqu'à la mort de cette personne dans le bien. Construction des mosquées, donation aux pauvres, donc les orphelins, les puits, la personne, elle a donné son argent, tout son argent, dans le sachet d'Allah tabaraka wa ta'ala. Alors là, oui, celui-ci, il mérite qu'on l'envie. Si seulement j'avais l'argent d'un tel, et que j'avais dépensé l'argent d'un tel, comme il l'a dépensé dans le bien. La personne qui a cette envie, elle est récompensée. Elle est récompensée. Et deuxième cas, il nous dit une personne à qui Allah tabaraka wa ta'ala lui a donné al-hikmah, la sagesse encore. Et on revient à la sagesse et la science. Alors celui-ci, il va juger en se basant sur cette hikmah, sur cette sagesse. Et il va l'enseigner aux autres. Alors là, oui, celui-ci mérite qu'on l'envie. Et donc, ici, on comprend dans ce hadith, au cher frère, barakallahu fikoum, le sujet donc qui est lié au sous-chapitre du jour, c'est l'importance de nous baser sur les preuves textuelles. Ici, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a fait l'éloge de cette personne qui, lorsqu'elle émet un jugement, elle se base sur des preuves qui lui ont été données. Comme Allah tabaraka wa ta'ala a appelé aussi As-Sunnah, il l'a appelé aussi Al-Hikmah dans le Coran. Et donc il est important, barakallahu fikoum, de nous baser lorsque tu émets un jugement sur des preuves. On doit délaisser les opinions, je pense que, et que, et si, et ça. Tout ça, c'est à mettre de côté. Et aussi, on a un point important dans ce hadith, barakallahu fikoum, c'est que cet homme, il a dépensé son argent dans le haqq, dans la vérité. Dans le haqq. Tu ne vas pas dépenser ton argent dans le batil, dans le faux. Tu ne vas pas dépenser ton argent pour Ahl Bida'a. Tu ne vas pas donner de l'argent à Ahl Bida'a, aux innovateurs, pour qu'ils construisent une mosquée. Tu ne vas pas donner de l'argent aux tabliers pour qu'ils publient des parchemins pour qu'ils aient égaré des gens derrière. Tu ne vas pas donner de l'argent aux soufis pour qu'ils publient des flyers et aient égaré des gens derrière. Tu ne vas pas donner ton argent aux Ikhwan pour qu'ils amènent les gens à voter pour tel ou tel président ou je ne sais pas quoi. Et donc il est important, barakallahu fikum, qu'on fasse attention à notre argent, ce que nous en faisons. Oui, tu dépenses pour donner aux gens, c'est bien. Mais fais attention pourquoi tu dépenses. Même le fait de construire pour une mosquée. Il y a des gens qui viennent nous voir parfois, ils te donnent des devis pour des mosquées. Quand tu vois le devis, tu as envie de dire « A'udhu billah ». Tellement il y a eu des dépenses exagérées. Tellement il y a eu des dépenses exagérées. Tu participes à ce péché? Allez acheter un... Juste, je ne sais pas comment ça s'appelle, là, un lustre, ça s'appelle. Un lustre qui presque coûte le prix d'un appartement, ou je ne sais pas quoi, ou le prix d'une voiture. Elle est où l'utilité? Tu peux acheter une ampoule à 2 euros. Elle est où l'utilité? Gaspiller l'argent des musulmans? Faire plaisir aux koufars lorsque les koufars viennent dans la mosquée et disent « Waouh, mashallah, waouh, c'est beau, c'est tout, on a gagné le waouh des gens, c'est tout. » Et donc il est important, barakallahu fikoum, lorsqu'on dépense, on dépense pour le haqq, pour la vérité. Tu dépenses pour la vérité. Et la vérité dépend des textes. La vérité dépend des textes. Et dans les textes, Allah il nous dit « Voilà, tout serez fous !» Et ne gaspillez pas. Et ne gaspillez pas. Allah il nous dit « Inna al-mubadhirina kanu ikhwan ash-shayatin. » Certes, les gaspilleurs sont les frères des diables. Les frères des diables, il nous dit. Tabaraka wa ta'ala. Voilà les textes et voilà ce que nous faisons. Et donc, il est important, barakallahu fikoum, qu'on fasse attention. Nous devons faire attention à notre argent, où nous le dépenserons, dans quelle cause. Ensuite, le hadith d'après, l'auteur qui nous dit, rahimahullah, عن المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه عن المغيرة ابن شعبة قال سأل عمر ابن الخطاب عن إملاس المرأة et donc il nous dit à المغيرة que عمر ابن الخطاب رضي الله عنه il a interrogé, il a demandé concernant la fausse couche de la femme. La fausse couche de la femme. هي التي يضرب بطنها فتلقي جنينا. C'est celle lorsqu'on va lui donner un coup dans son ventre. Et donc il explique ce qui est voulu par là. Il nous dit c'est celle lorsqu'elle prend un coup dans son ventre. Alors donc elle laisse tomber elle perd le fœtus. فقال. Alors il dit Omar. أيكم سمع من النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيئا. Lequel d'entre vous a entendu du prophète sallallahu alayhi wa sallam quelque chose dans ce sujet? Omar, il devait juger dans cette affaire. Alors il a demandé aux gens, il n'a pas jugé comme ça, bon alors moi je ne connais pas, allez hop, on y va, bismillah, c'est pas grave. Allahu alam, peut-être que c'est ci, Allahu alam, peut-être que c'est ça. Non, il a demandé lequel d'entre vous? Et il n'a pas posé n'importe quelle question, faites attention à la question qu'il a posée. Il n'a pas demandé... Qu'est-ce que tu penses, toi, ou que pensez-vous de telle et telle situation, une femme qui est frappée dans son ventre, ce qui entraîne une fausse couche? Que pensez-vous? Il n'a pas dit ça. Il a dit lequel d'entre vous a entendu une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur ce sujet? Voilà, la question est claire. Celui qui n'a pas entendu, ce n'est pas la peine de parler. Il n'a pas entendu, ce n'est pas la peine. Tu as entendu? Viens, ramène-moi ce que tu as dit. Ramène-moi ce que tu as entendu. Et ça ne s'arrête pas là, vous allez voir. Fais cool tout. Elle mourira. Ana, moi, j'ai entendu. Fait quoi la mère où? Il a dit, dis-moi, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu as entendu? Kultu sami'atu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam yaqul fihi ghurratun 'amdun aw ama. Alors, j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire, il y a en cela donc la sanction de la personne qui frappe une femme. Il frappe une femme et ensuite cette femme, elle a une fausse couche, elle fait une fausse couche à cause de cela. Quelle est la sanction? Il dit, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire qu'il y a dans cela, donc, abdun ou ghurrun ou ghurratun. Ghurratun, c'est un terme qui est voulu, ce qui est voulu par là, c'est un esclave. Abdun ou ama. Donc, un esclave, donc, que ce soit un homme ou une femme. Qu'est-ce qui est voulu par là? Le fait de libérer un esclave. Encore une fois, on arrive sur ce qu'on a dit la dernière fois. Tu ne vas pas trouver dans les textes de la législation un texte qui te dit « Prenez tant d'esclaves ». Tu ne vas pas trouver. Par contre, tu trouves une multitude de textes qui te disent « Pour telle action, c'est libérer un esclave. Telle action, libérer un esclave. Telle action, libérer un esclave. » Parce que l'islam appelle à libérer les esclaves. Et donc ici, pour cela, c'est libérer un esclave, un homme ou une femme. Fekol, qu'est-ce que Omar a répondu à cela? Il dit « La tabrah hatta taji'ani bil makhraji fi ma kulta. » Il dit « Tu ne sauras, donc tu n'auras pas complètement accompli ta tâche et tu n'auras accompli ta tâche correctement que lorsque tu seras venu à moi avec une solution de ce que tu as dit. » Qu'est-ce qui est voulu? El-Makhraj, une sortie, une issue, une solution. C'est-à-dire quelqu'un d'autre avec toi qui a entendu ça. Il n'y a pas que toi. Ça ne veut pas dire qu'Omar n'a pas confiance à le mourir. Hein. Ça veut dire qu'il veut vérifier. Il veut vérifier. C'est pas comme nous ici en Martinique. T'entends, attention, grève, station-service, il n'y a plus d'essence. Tout le monde accourt aux stations-service comme s'il n'y aura plus d'essence. Et deux jours après, tu vois que non, en fait, c'était fausse alerte. Fausse alerte. Et donc, c'est important qu'on apprenne à vérifier. On vérifie. Ça ne te coûte rien. Ton frère te dit, j'ai entendu tel et tel hadith. Ah bon, t'as entendu? Viens, on va le chercher. Il est où? J'étais en France, un homme, il était... Donc un homme, il a commencé à parler. Subhanallah. Il a dit... La hawla wa la quwwata illa billah. Il a dit que... Il dit, et le pire, c'est qu'il dit, c'est pas moi qui le dis. C'est pas ma parole à moi, mais c'est la parole d'Allah. Pour chaque personne... Il y a 40 semblables sur terre. J'ai dit quoi? Il m'a dit, ça veut dire qu'il y a 40 personnes comme toi sur terre. Parce qu'il m'a dit, t'es grand, machallah. Après, il m'a dit, sur terre, il y a 40 qui sont exactement comme toi, physiquement et tout. 40. T'as vu ça où? C'est pas ma parole, c'est la parole d'Allah. C'est un arabophone. Je lui dis, quelle parole? Il m'a sorti un verset, les frères. Il m'a sorti un verset. Enfin, un verset qu'il a inventé. Ou qu'il avait entendu. Mais subhanallah, il a sorti ça comme si c'était un verset. J'ai entendu ça. J'ai dit, ah, j'ai jamais entendu ça. C'est quoi ça? J'ai jamais entendu ce verset. C'est pas un verset ça. Et au final, il s'est posé avec nous. Et on lui a montré que non, c'était un verset, etc., etc. Tout ça, il l'a trouvé sur internet. On lui a dit, Allah a dit. On lui a dit, Allah a dit, on lui a cité une parole, il a cru que c'était un verset, et hop, ça et c'est bon. Sur terre, il y a 40 personnes qui se rassemblent, etc. Et combien de fois ça arrive? Aujourd'hui, les gens, ils vont sur YouTube, ils entendent un cheikh qui dit, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, ah, il a dit le prophète, ok, donc on fait comme ça, pas de vérification, rien du tout. Et je vous ai déjà cité l'histoire, lorsque j'étais en France, imam là-bas, et qu'on est venu me voir un Jumu'a après la khutba. On est venu me voir pour me parler donc du fait de se laver habillé par pudeur envers Allah. Je dis, comment ça se lave, prendre sa douche habillée par pudeur envers Allah? Je dis, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'avait pas de pudeur envers Allah? Non, non, c'est pas ça, mais c'est rapporté que des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils prenaient leur douche habillée par pudeur envers Allah, et il y a une sœur qui fait ça. La hawla wa la quwwata illa billah. T'as vu ça où? Dans tel et tel livre. Il m'a donné le nom du livre. Ainsi étaient nos pieux prédécesseurs. J'ai dit, ainsi étaient nos pieux prédécesseurs. Qui est l'auteur? Je ne sais pas, mais tout le monde a ce livre. Il me dit, tout le monde a ce livre. J'ai dit, moi, je ne l'ai pas, moi. Je ne connais pas ce livre. Il est propagé. Et réellement, quand j'ai vérifié, ce livre, il est propagé en France. Il est très propagé. Ainsi étaient nos pieux prédécesseurs. J'ai dit, mais qui a écrit ce livre? Il me dit, je ne sais pas. Édition Taouba. Je ne sais pas. Mais il est dans la bibliothèque de la mosquée. J'ai dit, ah bon? Ramène-le-moi. Il me l'a ramené. J'ai dit, je te recontacte plus tard. Je suis monté dans mon bureau. J'ai vu deux textes rapportés sur deux compagnons qui prenaient leur douche par pudeur envers Allah tabaraka wa ta'ala. Et un qui prenait sa douche dans l'obscurité, par pudeur envers Allah, tabaraka wa ta'ala. Alors, alhamdoulilah, l'auteur, il avait marqué les sources. Déjà, ça facilite beaucoup. Parce que parfois, il ne marque pas du tout la source. C'est à toi de te débrouiller pour trouver. Il a marqué la source. Je suis retourné vers la source en arabe. Déjà, premièrement, chaîne de transmission faible. Premièrement. Donc, des gens qui ne connaissent pas l'étude des chaînes de transmission authentiques, d'orif, ils se permettent d'écrire des livres comme ça, sans avoir étudié, et hop, des gens vont te suivre derrière. Donc, chaîne de transmission faible, premièrement. Et deuxièmement, même la parole en arabe, ce n'était pas ce qui a été traduit. À aucun moment, c'était cité qu'il prenait sa douche nue. Qu'il prenait sa douche habillée, excusez-moi. À aucun moment. La seule chose qui était citée, c'est je prends ma douche et je ne me lève. Donc ça veut dire qu'il prend sa douche accroupi. Je ne me lève que lorsque c'est le moment de prendre mes vêtements. Et donc c'est la preuve qu'il a pris sa douche déshabillée. Donc le traducteur, déjà la chaîne de transmission, n'en parlons pas. La traduction à Ouzoubillah. Et aujourd'hui, on prend le livre Ainsi étaient nos pieux prédécesseurs et Yallah, Bismillah. Alors le soir, j'ai fait un cours sur le sujet et plusieurs fois dans l'audio, j'ai répété « Ainsi étaient nos pieux prédécesseurs ». C'est-à-dire, nos pieux prédécesseurs, ils vérifiaient avant tout. « Ainsi étaient nos pieux prédécesseurs ». Tu comprends un livre sous prétexte que c'est marqué « Ainsi étaient nos pieux prédécesseurs » que ça veut dire que c'est vrai, ils étaient comme ça. Il faut que tu vérifies. Aujourd'hui, les gens, entre notre site, c'est marqué « Islam Sunna ». Ouais, Islam Sunna, allez, on prend. N'importe quel site, les gens, ils font. Si ça se trouve, c'est un kafir, un non-musulman, il fait un site, il te marque Sunna, tout le monde, ouais, machallah, on fonce dedans. Et donc, c'est important de vérifier. Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, il vérifiait. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ensuite dans ce hadith? Alors, il dit Al-Mughira fa kharajtu. Alors, je suis sorti. Fa wajadtu Muhammad ibn Maslama. Et alors j'ai trouvé Mohammed ibn Maslama, je suis venu avec lui. Alors il a témoigné avec moi. Et donc il a témoigné avec moi qu'il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire qu'il y a dans ce cas-là un esclave, qu'il soit un homme ou une femme. Et donc ça c'est important, barakallahu fikum. Et pour terminer, juste pour terminer, à la base, je voulais faire trois chapitres aujourd'hui, mais on va en faire que un, frère, Inch'Allah. Le livre est long. Alors, il y a un sujet, une ambiguïté ici. Al-Mu'tazila, la secte des Mu'tazila, ainsi que ceux qui les ont suivis, On a à notre époque, dans ce sujet, un homme, un prédicateur en France, j'avais fait une réplique sur lui aussi, Ismaïl Mounir, il s'appelle. Il avait rejeté un hadith, le hadith de la division. Le hadith de la division. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui annonce que la communauté va se diviser en plusieurs groupes. Tous dans le feu, sauf un. Ce hadith, il est authentique. Et les savants ont accepté ce hadith de génération en génération. Alors cet homme, il a fait un audio dans lequel il essaie de prétendre qu'il y a une grosse divergence sur ce hadith. Alors j'ai répliqué, j'ai ramené les preuves, les arguments que c'est du vent. Mais parmi ces arguments, il nous dit que... Et cet argument, c'est le même argument que le Mu'tazila. Il nous dit que... ce hadith, c'est un khabar ahad. On va voir ce que c'est que khabar ahad. On a des hadiths qui nous sont rapportés. Un hadith, parfois, vous avez vu dans ce hadith, il va y avoir plusieurs compagnons qui vont entendre une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ici, on a les deux. Muhammad ibn Maslama, Al-Mughira ibn Shu'ba. Les deux, ils ont entendu. Donc, cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc les deux, ils vont l'enseigner à d'autres. Qui vont l'enseigner à d'autres. Qui vont l'enseigner à d'autres. Et ça donne une chaîne de transmission. D'accord? On a donc des hadiths qui sont mutawatir. Mutawatir, ce sont des hadiths qui sont indéniables. On ne peut pas les rejeter tellement il y a du monde qui a rapporté le hadith. Il y en a plein qui l'ont entendu du prophète. Plein qui ont entendu des autres, plein, tellement que c'est impossible de rejeter le hadith. À tel point que, donc parfois les gens donnent un exemple pour que les gens comprennent, avec quelque chose de concret. Est-ce que la Maison Blanche est blanche? Tu vas me dire oui. Je vais te dire, est-ce que tu as déjà été là-bas? Non. Mais il y a tellement de personnes qui rapportent et qui rapportent et qui rapportent que c'est pas possible que c'est faux. C'est pas possible. Et donc, c'est un hadith qui est rapporté d'une manière qui est indéniable. Ensuite, on a ce qu'on appelle khabar ahad. Khabar ahad, ils nous disent al-Mu'tazila. C'est eux qui ont fait cet axiome à la base. C'est eux qui ont fait donc ce genre d'explication, il y a plusieurs types de hadiths, c'est eux qui ont commencé ça. Alors ils nous disent, khabar ahad, c'est un hadith qui va être rapporté par, donc au début, deux personnes qui ont entendu du prophète. Parfois ça va être plus de deux, parfois ça va être moins de deux. Parce que l'ahad lui-même il se divise en plusieurs choses. Mais l'ahad, donc un nombre qui est un petit nombre de personnes qui l'ont entendu du prophète, et qu'ensuite on a un petit nombre de personnes qui ont entendu de ceux-là, ensuite un petit nombre, jusqu'à arriver à l'époque de l'auteur. Ils nous disent, ce hadith-là, on ne peut pas l'accepter. Pourquoi? Parce qu'une personne qui entend un hadith, il se peut qu'elle se trompe. Tout le monde peut se tromper. Tout le monde peut se tromper. Et donc, à partir de là, vu que la personne peut se tromper, on n'accepte pas le hadith. On accepte le hadith que quand il y a un grand nombre de personnes qui ont entendu le hadith. Et ça, c'est une ambiguïté. Et aujourd'hui, malheureusement, vu que les gens n'étudient pas, il se peut que tu te trouves dans une mosquée et toi, tu as un imam qui te dit ça et les gens, ils vont tout prendre. Comme si c'est la vérité. Il te dit, imaginez-vous, parfois moi, je vous parle, je peux me tromper. C'est vrai, n'importe qui peut se tromper. Alors il va te dire, dans un hadith qui nous est rapporté d'une personne, on prend. Mais non, comment ça? Il faut vérifier. Et ensuite il vient et te dit, Omar a vérifié. Omar a vérifié, radiallahu anhu. La réponse, barakallahu fikoum, c'est que, comme j'ai dit, Omar n'a pas rejeté le hadith. Premièrement, il n'a pas rejeté le hadith. Mais il a demandé une vérification. Et aussi, même si Omar a vérifié et qu'il y a une deuxième personne qui vient témoigner, le hadith, il reste toujours ahad. parce que c'est que deux personnes. On n'est pas arrivé à un grand nombre. Et il a accepté avec deux personnes. Et certes, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui-même, il a envoyé Mouaz, un homme, au Yémen. Il a envoyé un pour enseigner la religion. Et c'était souvent comme ça. À chaque fois, il envoyait un ou un petit nombre pour enseigner l'islam. Allah tabaraka wa ta'ala nous a envoyé un prophète. Un. Et donc, barakallahu fikoum, faites attention à cette ambiguïté. On a dans Sahih al-Bukhari et Sahih Muslim des hadiths où dans la chaîne de transmission, tu as une personne. Un hadith qui est très connu. Très connu. Il est rentre. Hop là-bas. Un hadith qui est très connu. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Il n'y a que Omar qui a rapporté ce hadith parmi les compagnons. Parmi les compagnons, il n'y a que Omar qui l'a rapporté. On fait quoi? Le hadith, il est dans Sahihain. Dans les deux recueils, Al-Bukhari et Muslim. Les savants l'ont accepté. Ils ne sont pas venus avec cette ambiguïté, cette règle qui n'a apparu qu'au moment où les Mu'tazila sont nés. Et donc il est important, barakallahu fikoum, qu'on apprenne notre religion et qu'on fasse attention à toutes les ambiguïtés que les gens propagent aujourd'hui pour égarer les autres de la sunna. Car l'objectif qui est voulu ici, c'est rejeter les hadiths. Dès qu'il y a un hadith qui ne leur plaît pas, ils vont te dire, il est faible. Pourquoi ? Ahad. Ça y est, on a trouvé quelque chose. À chaque fois qu'Ahle Sunnah vient avec un hadith, ils disent non. Pourquoi ? Ahad. Comme il a fait Ismaïl Mounia. Le hadith de la division, non. Pourquoi ? Ahad. Et donc, il est important, barakallahu fikoum, qu'on fasse attention à ces gens qui veulent nous éloigner de la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en prétendant injustement que beaucoup de ces hadiths sont faibles. On va arrêter pour aujourd'hui, inshallah ta'ala. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yardha, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jazakumullahu khairan.